Ah non. Un dernier morceau. Un dernier morceau. Avant le suivant. Avant la guerre. Il s'appelle... Dirty Old Town. Ouais. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. That's our throat. Chasing the cold. It's in that wood. Dirty old town. Dirty old town. I heard a sound. I was from the dead. So a dream. That night I fell. I smelled spring. On smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm going to make a good spell. Silent girl, I'm burning fire. It's a new town, like no history. Dirty old town, dirty old town. I am it's my love. I guess that's all. Dream the dream by the old canal. I guess my love by the factory wall. Dirty old town. Dirty old town. Dirty old town. Dirty old town. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Si je veux ta vie c'est bandé. Allez-y très sur votre bras. Mais ça ne devrait pas cette putain de loi. Et pas besoin de scatter la tête. Pour ce vrai que tu traites. T'as des abrutis. A besoin d'une étiquette. Prends la tête dans les abrutis. Traiter un cœur de bouffon. Simplement parce qu'il a refusé. La loi de la jungle du bouchon. C'est quand même que c'est saluté. C'est pas besoin de se casser la tête. Pour ce vrai que tu es. Tant que ça vous dit. A besoin d'une étiquette. Pour se prendre la tête. Tant que ça vous dit. On l'a toujours eu, mais si tu la veux, véritable Dieu. Désolé, tu peux te la garder. Je m'attaque à Louis, mon Dieu. Et pas besoin de s'éclater la tête. Tout serait que tu fêtes. Par des abrutis, à besoin d'une étiquette. Pour nous prendre la tête, prendre des abrutis.